Oui, ça y est, la lumière rouge est allumée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tait, sauf si on veut parler dans le micro. Ça va, Philippe? Ça va très bien, et toi, Stéphane? Bah ouais. Aujourd'hui, 400e de Pyongyang City Rockers, qui commence quasiment sans retard, grâce aux auditeurs habituels qui sont venus me rendre visite. En effet, ce soir, un seul grand leader au rendez-vous, moi-même, Stéphane. Les autres seront de retour la semaine prochaine, je pense. Il y aura plein de monde pour la 401e. Et puis, normalement, 400e bis, non? Non, la 400 bis ou la 20 puissance 2, ça sera 20 au carré. Ça sera peut-être normalement, enfin si tout va bien, et si on arrive à trouver un créneau en septembre, un vendredi, si tout va bien. Si les petits cochons ne nous mangent pas. Pour l'instant, je vais essayer de reprendre contenance et mon souffle tout à la fois. Premier zeugme de la soirée, et voici donc Racta. Ils viennent de Arth, au nord de Bruxelles, là, vous savez. Et puis maintenant, ils vont vous parler du fait qu'il ne faut pas se laisser attraper par le système qui nous pourrait la vie et par les gens qui croient pouvoir nous intimer l'ordre de faire tout ce qu'ils veulent. Racta avec Grip. Et en plus, il a oublié de démarrer l'enregistrement, c'est affreux. Garotos Podres, vétéran du punk rock brésilien. Dedans, il n'y a plus comme membre original que le chanteur Mao, qui est aussi affublé d'un doctorat en histoire, et qui est prof à l'université de Sao Paulo. Bon, ça va quoi. Garotos Podres sont connus pour des titres empreints de finesse, comme Maldita Policia, Saddam Hussein is Rock'n'Roll, ou bien Papa y Noel, Filho da Puta. Pas besoin de traduction, c'est bon, t'as compris. Secrètement débarqué avant-hier sur la plage de Calais par un sous-marin nord-coréen, il le dit, il va le dire juste après, hein, je blague pas. Le groupe a joué donc hier soir au DND, au Do Not Disturb à Dunkerque. Apparemment le concert s'est fort bien passé, et donc ce soir ils vont jouer au Bout de nos Rêves à Grand Rame-Croix. Près le tournée, ils seront accompagnés des fabuleux Los Fastidios et des nombreux fabuleux, One Day Riot, voilà. D'ailleurs, je pense que là, les portes sont ouvertes, ça a bientôt commencé, en général ça commence vers 20h30 au BNR, et puis donc vous pourrez assister à la prestation de Garotos Podres, qu'on écoute ici avec premièrement à International, non ça c'est deuxièmement, et premièrement donc l'annonce comme quoi bah, ils ont été débarqués secrètement pour déjouer les vilains qui essayent de les empêcher d'aller faire des concerts en Europe. Garotos Podres. Ah ah ah, tentaram nos impedir, mas nós conseguimos estacionar o nosso submarino nuclear norte-coreano e durante a noite secretamente desembarcamos e tomamos essa posição aqui na praia de Calais. E ontem tocamos em Dunkerque. E hoje nós vamos atravessar secretamente a fronteira com a Bélgica. E vamos fazer um terrível e pavoroso show junto com os fastídios. Ah, ah, ah. Avante, camaradas! Encore un petit concert à annoncer, ça, cette fois ça sera après-demain, oui c'est vendredi, c'est demain, au Cabron à Anvers, il y aura les Bostonois, Bostonia, bostonien, merci. heureusement qu'il y a des gens ici pour rectifier les choses. De Bad Terms qui seront donc au Cabron. Bad Terms, comment définir ça? Skinhead rock'n'roll, hard mode music. Ouais, bon, allez, vas-y. En tout cas, ça envoie, et puis ça envoie maintenant même. Bad Terms avec Steal Everything. un très bon conseil. Voler tout. C'était quoi ça? C'était Bad Terms, Crimes et Camions. Ils sont de Bordeaux. J'ai déjà passé un. Pardon? C'était le bostonien, non? Ouais, c'est bostonois. Bostonesque. Crimes et Camions sont bordeauxiens. Enfin, bordelais, en fait. Je vous ai déjà passé un titre de leur démo, La Vague, qui est déjà dispo donc, en numérique sur la plateforme qu'on aime bien, qui commence par un B. Ça va sortir en physique sur une cassette le mois prochain chez Dispire Records. En attendant, voici plus rien n'a de sens, le titre, encore un titre de cette démo La Vague, c'est Crimes et Camions de Bordeaux. Croissance! We'll be right back. êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers, numéro 420 x 20. Ouais, c'est fou, quoi. Encore un petit concert à annoncer cette fois. Ça sera vendredi à Kurn, à côté de Courtrai. Au Yansan, il y aura Mother Nature. Ils viennent de Leeds, ils font du hardcore. Il y aura aussi Flux. Il me semble que c'est des gens qui sont liés au Cobra Jaune de Bruxelles. Donc, ils font du 82 punk. Si tu voulais des noms de, des noms de genre, style éclatés au sol, c'est pas maintenant. Et puis, Listed, groupe hardcore aussi belge. Ça sera au Yansan, Arlbeckstraat, numéro 36 à Kurn, avec deux U, si vous cherchez sur votre machin là pour trouver le chemin. Ouais, c'est juste après Courtrai, c'est pas compliqué à trouver, quoi, merde. Mais à mon époque, il n'y avait pas de truc hein, pour trouver son chemin. Fallait demander aux gens. Voilà. On parle de celui qui n'arrive pas à éviter des travaux, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce qu'ils s'en souviennent pas. Voici donc Mother Nature qui vont jouer ce vendredi à Kurn avec Hemorrhaging Hope. Silence. Maintenant, on parle dans le micro si on a des choses à dire. Ce que j'ai à dire, moi, c'est que, bah, comme c'est les vacances pour tout le monde, et bah, y a des auditrices aux éteurs, sachant auditer, qui viennent nous rendre visite. Et en plus de ça, qui ont dans leur besace de la musique à passer. Voici donc un groupe que on me regarde parce qu'on se demande ce que je vais bien pouvoir en dire. Strivers, un groupe lyonnais qui officie, je disais moi, en death metal. Mais la rectification qui a été tant attendu, c'est que c'est du Precious Core. D'ailleurs, c'est le titre de leur album qui est sorti il y a quelques années, je sais plus quand. Ah, il y a un an. L'an dernier, incroyable. Voici pour ma part un titre que j'ai sélectionné qui est sorti il y a plus longtemps, il y a, en 2017, je crois. Against All Deceptions. Rien d'autre à dire, madame ? Non, là carrément, elle dit plus rien, quoi. Elle hoche la tête négativement. Voici donc, pour une fois, du death metal dans Pyongyang City Rockers. On aura vraiment tout entendu. du death precious metalcore, Strivers. Rise, rise, rise. together again, new shades of your choosing. Do you begin to see then what kind of world we are creating? It is the exact opposite of the stupid Hellenistic utopias that your reformers imagined. A world of fear and treachery and torment. A world of trembling and being trampled upon. A world which will grow not less, but more merciless as it refines itself. Progress in our world will be progress towards more pain. Allez, une petite annonce de concert dans Pyongyang City Rockers, puisque vraiment j'avais perdu cette habitude. Samedi, et je refais encore une pub pour Le Bout de nos Rêves, mais c'est normal, lui il bosse, donc chez tout. Hein. Donc samedi, au Bout de nos Rêves, il y aura trois groupes qui font dans la dentelle. Nganga, je sais pas comment ça se dit, je sais même pas d'où ils viennent. Si, ils viennent de Berlin, Grenoble et du West Yorkshire, donc voilà. Et ils font du Death Grind. Il y aura aussi Nade, les Italiens qui font du Fastcore Limit Grind, des fois. Et puis Baron, attention, Baron belge qui font du grind, pas confondre avec les Baron français qui font pas du grind. Voilà. ça sera donc au BNR Grand Route numéro 141 à Grand Rame-Croix à partir de 19h, organisé par Kisakeri. Et puis bah c'est tout. Voici donc Naïd avec premièrement Nato per essere veloce, né pour être rapide, suivi d'une reprise des excellents autres italiens des années 90, Affluente, Bandiera Nera, Naïd. Yeah. Un petit contraste après Neid, c'était les Danois de The Movement avec I Want It, The Movement qui avait fait un superbe concert à la Mule à Bruxelles le 31 mai dernier. Il y a deux semaines est sortie une compilation nommée Riffs Against Turf, compilation dont tous les bénéfices sont reversés à un collectif d'artistes et de personnes trans du Devon et des Cornouailles, donc dans le sud de l'Angleterre. On y retrouve nos Lillois de Jodie Foster, il y a aussi des noms connus comme Pizza Tramp, F Emasculata, Rage Decision, des grands anciens comme Propagandi, et puis plein d'autres groupes. Il y en a 45 en tout, punk, hardcore, ska punk, mais aussi metal, folk, drone, et toujours tout ça DIY. Ça se trouve en ligne et à prix libre sur le Bandcamp de Sibin Podcast, THE espace SEABIN espace podcast. Je vous mettrai l'adresse sur le site web de notre émission, n'ayez crainte. Et puis on écoute tout de suite un extrait Human Leather avec You May Think It's Big and Clever, but all I see is fights, vomit and tired nurses. Mais pourquoi ai-je donc choisi ce titre imprononçable? Voici Human Leather. Touch on, welcome to the middle, écouter Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 400, incroyable. Et puis bah, vous êtes sur Radio Campus 106,6, DAB plus si vous êtes sur l'île Lens Arras. Et puis sinon, oui, campuslille.com, j'ai tout bien dit, bravo, je serai pas viré cette fois-ci. On continue avec les annonces de concerts et partons dans le pad de Calais profond, le Ternois même, puisqu'à Tartous et compagnie, à Monchy-Bretan, ce dimanche, il y aura Screwhead Crew. C'est du blues, un petit peu punk quand même, enfin un petit peu crade, bon voilà. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai à en dire, rendez-vous à Tartous et compagnie, à Monchy-Breton. C'est sur la route quand vous sortez de Bruy-la-Buissière et que vous partez vers Saint-Paul-sur-Ternoise, vous passez à un moment, vous êtes sur la départementale maintenant, vous arrivez à lire la Thieulois, vous tournez à gauche, vous traversez la Thieulois et c'est le bled d'après, Monchy-Breton. Puis là il y a des gens sur la place et puis bref, vous entendez de la musique, c'est là. Et comme ça vous pouvez, pardon ? Du Dirty Blues. Voilà, et vous entendez le Dirty Blues de Screwed Heads Crew. Les voici avec Holy Rain. Peut-être pas tout parce que ça dure quand même 6 minutes 12 et le poke-shock à foutre, ami. Father, oh, tell she just êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers, c'est le numéro 400 qui vient de vous balancer Une fille dans la rue, de La Souris Déglinguée. Bon, il reste encore quelques concerts annoncés, non un seul. Donc pour l'instant, eh bien, voici quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est encore un groupe danois, comme The Movement tout à l'heure, mais ici, ça flirte avec le grunge noise. Ça les fait rire. Voilà. Tant que j'ai un public, j'en profite. Voici donc Slitter, SLY2TER. Ils vont passer courant octobre au Pits à Courtrai. Pour l'instant, les voici avec Banal Song. Puis on voit un coup et puis on laisse partir le prochain. Mais le prochain, c'est encore la dernière annonce de concert pour ce soir. C'est Public Serpents qui vont jouer quand mardi prochain. Et où je vous le donne en mille et mille. Où est-ce qu'ils vont jouer au bout de nos rêves. Et ils seront avec les Belges de Renfort Caisse qui font, paraît-il, du punk jovial. Par contre, les pépères de Public Serpents, ils font ce que vous venez d'entendre. Et voici donc un titre de Public Serpents, When Pigs Lie. Et il s'agit de, dans cette chanson, de policiers qui mentent. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça, franchement. Il y a des gens, ils ont une imagination débordante. Public Serpents. Yeah. really thinking. I'm riding in the town every single day. Well, I did my job by in an hour's way. Il y a un petit côté Left Over Crack, hein. C'est normal, je pense qu'il y a au moins un ancien membre de Left Over Crack dans la Public Serpents. En attendant leur concert au Pits, je vous passe quand même un petit titre de Mudhead, les gens de Hambourg là. Leur concert, ça sera le 29 août, donc on a encore le temps de voir venir. Voici donc un extrait de leur split EP d'avril dernier, partagé avec One Down Thread, un autre groupe hambourgeois, vu qu'ils sont de Hambourg, qui lui est un peu plus punk et un peu moins trash. Thrash, pardon. Voici donc Mudhead avec Sad Little Fuck. Taisez-vous, vous là-bas. C'est du thrash, enfin bon bref, du crossover si on veut. Voici déjà la fin de Pyongyang City Rockers numéro 400. C'était fort bien, mais il y aura encore mieux la semaine prochaine vu que tout le monde sera de retour, enfin on l'espère. Pour l'instant, on va se quitter avec un petit titre de bah, je sais pas encore qui, si je le sais, mais je vous ferai la surprise. Je vous dis la semaine prochaine pour le numéro 401 de PCR. En attendant, vous continuez d'écouter Radio Campus par exemple. Dans quelques minutes vous pourrez entendre la douce voix de JD avec son Teeth Grinder, et puis sinon il y a plein d'autres très bonnes émissions même pendant que tout le monde est en train de se griller au soleil. Voici donc pour finir ce Pyongyang City Rockers numéro 400, un petit titre de Killing Joke, Complications. Au revoir et on n'oublie pas à cab. Break up.